Dossier, page 9. La ville, une porte d'entrée pour les futurs commerçants. Les services de la ville de Château-Gontier peuvent constituer une porte d'entrée pour les futurs commerçants. En effet, Marie-Thérèse Roideau, responsable du service économie et emploi de la ville et du pays de Château-Gontier, peut apporter une aide et un conseil aux porteurs de projets, notamment dans leur recherche de locaux. Une liste des commerces libres est disponible à la consultation. Cette dernière est constituée à partir des informations transmises par les propriétaires d'espaces disponibles. Renseignements 02 43 09 55 58. Cet article est illustré d'une photo de Marie-Thérèse Roideau en discussion avec un porteur de projet. Des dispositifs d'aide sur le territoire. Des dispositifs d'aide aux commerçants existent au niveau du territoire du pays de Château-Gontier. Le pays propose ainsi l'ORAC, opération de restructuration de l'artisanat, du commerce et des services. L'ORAC vise à soutenir l'effort d'investissement des entreprises du pays par l'attribution d'aides financières pour des investissements individuels avec en parallèle la mise en place d'opérations collectives de promotion, de communication, de conseil et de formation. Note. Aide aux investissements individuels, Fonds d'État, FISAC, FISAC, Région des Pays de la Loire et Communauté de communes, pour environ 35 dossiers avec une moyenne de 10 000 euros de subvention par dossier. De plus, la communauté de communes alloue chaque année un budget à Initiative Mayenne, réseau associatif de financement et d'accompagnement à la création ou reprise d'entreprises, pour des prêts à taux zéro à des entreprises du territoire. En 2014, ce sont près de 113 000 euros qui ont été versés pour le PLIM, prêt local d'Initiative Mayenne. À Château-Gontier-Bazouges, ce sont 5 entreprises qui en ont bénéficié pour l'instant. Pour plus de renseignements, contactez la communauté de communes au 02 43 09 55 et pour le PLIM, Mayenne Initiative au 02 43 59 23 90.